Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 24. Comment saint François convertit à la foi le Soudan de Babylone. Note. On le nommait Soudan de Babylone, à cause de sa ville capitale, appelée Babylone d'Égypte, ou la Nouvelle Babylone, pour la distinguer de Babylone d'Asie, bâtie par Nemrod. Elle était vis-à-vis de Memphis, près du Nil, et, de ses ruines, s'est formé le Grand Caire. Jacques de Vitry dit « Mortuus est soldanus ichonie qui creditur baptisatus fuis ». Wadding a cru apparemment, lorsqu'il s'est appuyé sur ce texte pour prouver la conversion du Soudan, qu'il était mort à Iconium, quoique cette ville, qui est en Asie mineure, en soit fort éloignée. Il n'a pas su qu'il y avait un Soudan d'Iconium. On convient généralement qu'il s'est trompé ici, mais cela n'affaiblit pas les témoignages certains qui nous restent, et en particulier ceux de Brugolin. Voyez Candide Chalip, livre 3. Fin de la note. Embrasé du zèle de la foi du Christ et pressé du désir de verser son sang pour lui, saint François résolut de traverser la mer avec 12 de ses 5 compagnons, et d'aller trouver le Soudan de Babylone. Arrivé dans le pays habité par les Sarrasins, les frères en trouvèrent les frontières gardées par des hommes si cruels, qu'un chrétien ne pouvait y passer sans y laisser la vie. Ils échappèrent cependant à la mort par une protection divine, mais ils furent pris, frappés, garrottés et traînés devant le Soudan. Lorsqu'ils furent en sa présence, saint François, inspiré par l'Esprit Saint, se mit à prêcher si divinement la foi du Christ, que, dans l'ardeur de son zèle, il était prêt à se précipiter dans les flammes pour lui rendre témoignage. Cette constance dans la foi, le mépris généreux qu'il témoignait pour le monde, le refus qu'il faisait, malgré sa pauvreté, des présents qui lui étaient offerts, toutes ses dispositions frappèrent le Soudan et lui inspirèrent une grande estime pour le saint missionnaire. Il lui demanda de revenir souvent le visiter, lui permettant, à lui et à ses compagnons, de prêcher partout où il leur plairait. Enfin, il lui donna un mot d'ordre pour le mettre à l'abri de tout mauvais traitement de la part de ses sujets. Cependant, saint François, voyant que la prédication ne portait plus aucun fruit dans ces contrées, se disposa, par une inspiration divine, à retourner parmi les fidèles avec ses compagnons. Les ayant donc rassemblés, il alla prendre congé du Soudan. Celui-ci, avant de le quitter, lui dit « Frère François, ce serait volontiers que je me convertirais à la foi du Christ, mais je crains de le faire à présent, car, si mes sujets venaient à le savoir, ils nous mettraient à mort, vous, vos compagnons et moi-même. Vous pouvez rendre encore de grands services, et j'ai à terminer, de mon côté, plusieurs affaires très importantes, je ne veux donc compromettre ni votre existence, ni la mienne. Mais veuillez m'enseigner les moyens que je dois employer pour assurer mon salut, je suis tout disposé à suivre vos conseils. Seigneur, répondit le saint, je vais vous quitter, mais quand je serai de retour dans ma patrie, quand, par la grâce de Dieu, j'aurai établi ma demeure dans les cieux, je vous enverrai deux de mes frères qui vous donneront le baptême, et vous serez sauvés. Voilà quels sont les desseins de Dieu sur vous, et voilà ce qu'il m'a révélé. Mais, d'ici là, hâtez-vous de vous dégager de toute sollicitude, afin qu'au jour où la grâce descendra sur vous, elle vous trouve entièrement disposé à recevoir la foi. Le Soudan promit de se conformer à ses avis, et il les suivit en effet. Après cette entrevue, Saint François et ses vénérables compagnons quittèrent le pays des infidèles, et, quelques années après, le saint rendit son âme à Dieu. Cependant le Soudan, devenu infirme, attendait l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite. Des gardes, qu'il avait fait placer en plusieurs endroits de ses frontières, avaient ordre, dès qu'il verrait deux frères portant l'habit de Saint François, de les lui conduire immédiatement. Son attente ne fut pas trompée, vers ce temps-là, le saint apparut à deux de ses frères et leur ordonna d'aller, sans tarder, trouver le Soudan, et de lui procurer la grâce du salut, suivant la promesse qu'il lui en avait faite. Ses deux frères obéirent sur le champ, traversèrent la mer et furent conduits par les gardes au Soudan, qui, en les voyant, s'écria, rempli de joie, « Je le reconnais maintenant, oui, c'est Dieu lui-même qui m'envoie ses serviteurs pour me sauver. » Et c'était vraiment d'après une inspiration divine que Saint François m'en avait fait la promesse. Aussitôt, il fut instruit des vérités de la foi, reçut le baptême que lui conférèrent les frères, et, ainsi régénéré en Jésus-Christ, il mourut de la maladie dont il était atteint, et son âme fut sauvée par les mérites et par les prières de Saint François. Chapitre 25. Comment Saint François guérit un lépreux de l'âme et du corps, parole que l'âme de ce lépreux lui adressa en montant au ciel. Le véritable serviteur de Jésus-Christ, Saint François, tant qu'il vécut dans cette misérable vie, s'appliqua de tous ses efforts à imiter le Christ, son parfait modèle, et il arriva souvent que, pour l'en récompenser, au moment où il guérissait les corps des malades, Dieu rendait aussi la santé à leurs âmes, donnant ainsi à son serviteur un nouveau trait de ressemblance avec Jésus. Saint François ne se contentait pas de se mettre lui-même au service des lépreux, il avait établi que les religieux de son ordre devaient aussi, partout et toujours, s'appliquer aux soins de ces malheureux pour l'amour du Christ qui voulut bien être regardé comme un lépreux afin de nous sauver. Note. La lèpre, au Moyen Âge, avait pris un caractère sacré aux yeux de l'Église et des fidèles, on la regardait généralement comme une marque toute spéciale de l'attention divine. Cette maladie mystérieuse et inaccessible à la science humaine était en vénération parmi les chrétiens d'alors. Les lépreux recevaient du peuple les noms les plus doux et les plus consolants. On les appelait les malades de Dieu, les chers pauvres de Dieu, les bonnes gens. On aimait à se rappeler que Jésus lui-même avait été désigné par l'Esprit-Saint comme un lépreux, qu'il avait choisi le lépreux Lazare pour symbole de l'âme élue, qu'il avait souvent pris lui-même cette forme pour apparaître à ses saints sur la terre. En outre, c'était par suite des pèlerinages en Terre Sainte et des croisades que la lépreux s'était le plus répandue en Europe, et cette origine ajoutait à son caractère sacré. Saint François voulait que ceux de ses frères qui n'avaient point d'études ni de talent pour la prédication s'employassent au service des lépreux. Quand on demandait à entrer dans son ordre, il ne manquait pas d'avertir les postulants qu'il faudrait servir les chers pauvres de Dieu, et il renvoyait ceux qui n'avaient pas le courage de se résoudre à un tel ministère. Il appelait aussi les lépreux les frères chrétiens, comme par excellence. Voyez l'excellent ouvrage allemand de M. Clément Brentano sur les Sœurs de la Charité, Histoire de Sainte Élisabeth, chapitre 24 de M. de Montalembert, M. Chavin de Malan, chapitre 2, Candide Chalippe, livre 5. Fin de la note. Des frères se trouvant donc au service des malades dans un hôpital voisin du couvent où restait alors le saint, ils y rencontrèrent un lépreux si impatient, si intraitable et si méchant, que chacun le croyait, ce qui était vrai d'ailleurs, possédé du démon. On l'entendait proférer les paroles les plus grossières, il frappait ceux qui le servaient, et il allait même jusqu'à blasphémer le Christ béni et sa très sainte mère, la Vierge Marie. Enfin, c'était au point que l'on ne trouvait plus personne qui pût ou qui voulût le soigner. Les frères savaient bien supporter avec patience les injures et les insultes qui leur étaient adressées, ils étaient même heureux de trouver là un moyen d'accroître leur mérite. Mais ils ne pouvaient s'accoutumer aux blasphèmes qu'ils entendaient vomir contre le Christ et sa sainte mère. Ils finirent donc par se déterminer à renoncer au service du lépreux, si saint François y consentait, et, comme il se trouvait alors tout près de l'hôpital, ils lui firent aussitôt connaître le parti qu'il désirait prendre. À la nouvelle qu'il en reçut, le saint vint lui-même trouver le malade, il l'aborde, en le saluant par ces paroles, « Dieu vous donne la paix, mon très cher frère. Et quelle paix peut-il me donner ? » répondit le lépreux, « Maintenant qu'il m'a privé de tout calme et de tout bien, maintenant qu'il a fait de mon corps un cadavre fétide et pourri. Ne désespérez pas, mon fils. » Reprit saint François, si Dieu nous envoie ici-bas les infirmités corporelles, c'est pour le salut de nos âmes. Oui, soyez-en sûrs, ces tribulations sont pour nous la source de grands biens, si nous savons les supporter avec résignation. Comment donc me parler de résignation, répliqua le malade, quand, jour et nuit, je suis tourmenté par la douleur. Et puis, mon infirmité n'est pas la seule chose qui me fasse souffrir, les frères que vous m'avez donnés pour me soigner ne me servent pas comme ils le devraient. Le saint connut alors, par révélation, que ce lépreux était possédé du malin esprit, il se retira et se mit en prière, implorant la miséricorde de Dieu sur cet infortuné. Sa prière terminée, il retourne vers lui et lui dit, « Mon fils, puisque vous n'êtes pas content de nos frères, je veux désormais vous soigner moi-même. » « Volontiers, répondit le malade, mais que pourrez-vous faire de plus que les autres ? Tout ce que vous voudrez, reprit saint François. « Eh bien, dit le lépreux, je vous demande que vous me laviez tout le corps. » Car l'odeur qui s'en exhale est si infecte, que je ne puis plus me souffrir moi-même. Le saint fit aussitôt chauffer de l'eau avec des herbes aromatiques, puis, après avoir dépouillé le lépreux de ses vêtements, il se mit à le laver de ses propres mains, tandis qu'un frère lui versait l'eau dont il avait besoin. Alors, par un miracle tout divin, la lèpre disparut de chaque partie du corps à mesure que saint François la lavait, et les chairs devinrent parfaitement saines. Mais là ne se borna pas le prodige, en même temps que le corps se guérissait, l'âme commençait aussi à prendre un état meilleur. Le lépreux, sentant sa guérison, éprouva, dès lors, une grande componction et un vif repentir de ses fautes, et il fondit en larmes. Ainsi, pendant que l'eau, à l'extérieur, purifiait le corps de la lèpre, l'âme aussi, par le repentir et les larmes, se purifiait, à l'intérieur, des souillures du péché. Lorsqu'il se vit entièrement guéri du corps et de l'âme, le lépreux demanda humblement le pardon de ses fautes, et il s'écriait tout en pleurs, malheur à moi, les paroles grossières et les injures dont j'ai accablé les frères qui me servaient, mes impatiences et les blasphèmes que j'ai proférés contre Dieu me rendent éternellement digne de l'enfer. 15 jours entiers il persévéra dans ses sentiments de compunction, pleurant et implorant la miséricorde de Dieu, après avoir fait un prêtre l'entier aveu de ses péchés. Saint François remercia la bonté divine du miracle manifeste que Dieu venait d'opérer par son entremise, et, quittant aussitôt l'hôpital, il se retira fort loin de là, car son humilité ne pouvait supporter les honneurs qu'on lui rendait, et il ne cherchait dans toutes ses œuvres que la seule gloire de Dieu. Cependant, après 15 jours de pénitence, il plut à Dieu d'envoyer au lépreux guéri une autre maladie, et il mourut saintement, muni des sacrements de l'Église. Son âme, en montant au paradis, apparut dans les airs à Saint François, qui était alors en prière dans un bois. « Me reconnaissez-vous ? » lui dit-elle. « Qui êtes-vous ? » demanda le saint. « Je suis, » fut-il répondu, « l'âme de ce lépreux que le Christ a guéri par votre intercession, et je m'envole maintenant vers la vie éternelle. C'est à vous, après Dieu, que je dois mon bonheur, soyez-en béni. » Oui, daigne le Seigneur répandre ses bénédictions sur votre corps, votre âme, vos paroles, sur toutes vos actions enfin, car, par vous, une foule d'âmes seront sauvées sur la terre. Sachez qu'il n'est pas un jour où les saints anges et toute la cour céleste ne rendent grâce des fruits de salut opérés dans tout l'univers par vous et par les frères de votre ordre. Prenez donc courage, remerciez le Seigneur et recevez sa bénédiction. À ces mots, l'âme s'envola vers les cieux, et Saint François demeura rempli de consolation. Chapitre 26. Comment Saint François convertit 3 SS5 qui entrèrent dans son ordre. De la majestueuse vision qu'eut l'un d'eux, qui devint ensuite un très saint frère. Un jour que Saint François se rendait à Saint-Sépulcre, par le désert de Borgo, et qu'il passait près d'un château appelé Montcazal, un jeune homme, d'une famille noble et nourrie dans la délicatesse, vint le trouver et lui dit, « Père, je désire ardemment entrer dans votre ordre. » « Mon fils, répondit le saint, vous êtes jeune, délicat et noble, peut-être ne pourriez-vous pas supporter la pauvreté que nous professons et la vie dure à laquelle nous nous astreignons. Quoi donc ? Reprit vivement le jeune noble, n'êtes-vous pas des hommes comme moi ? Vous pouvez bien pratiquer ce genre de vie, pourquoi moi aussi, ne le pourrais-je pas, avec la grâce de Jésus-Christ? Cette réponse plut beaucoup à Saint François, il bénit le jeune homme, le reçut aussitôt dans son ordre et lui donna le nom de frère ange, et le jeune religieux fit de si rapides progrès dans son nouvel état que, peu de temps après son admission, le saint crut pouvoir le nommer gardien de Montcazal. Vers le même temps, la contrée fut infestée par 3 brigands qui y causaient de grands ravages. Ils se présentèrent un jour au couvent de Montcazal et demandèrent des vivres à frère Ange. Le gardien les reçut durement et leur dit, « Quoi donc, malfaiteurs, cruels assassins ? Ce n'est pas assez pour vous de ravir le fruit des sueurs d'autrui, vous oseriez encore dévorer les aumônes des serviteurs de Dieu. Vous êtes indignes d'être supportés sur la terre, infâmes, qui n'avez aucun respect ni pour les hommes, ni même pour le Dieu qui vous a créé. Partez donc, et que jamais je ne vous retrouve ici. » Cet accueil irrita les malfaiteurs. Ils se retirèrent avec un amer dépit. En ce moment rentra Saint François, avec une besace de pain et un vase de vin qu'il venait de mendier avec son compagnon. Le gardien lui raconta la manière dont il avait reçu les 3 voleurs, mais le saint l'en reprit vivement, et lui reprocha de s'être montré cruel envers ces malheureux. C'est par la douceur, et non par des réprimandes amères, Lui dit-il, que les pécheurs sont ramenés à Dieu, aussi Jésus-Christ, notre Maître, dont nous avons promis de suivre les maximes, nous dit-il lui-même, dans son évangile, que ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades, qui ont besoin de médecins, et il dit encore qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs qu'il invite à la pénitence, et c'est pourquoi il prenait souvent ses repas avec eux. Pour vous, ajouta le saint, puisque vous avez péché contre la charité et le Saint-Évangile, au nom de l'obéissance, je vous ordonne de prendre cette besace et ce vase, de parcourir avec soin les montagnes et les vallées jusqu'à ce que vous ayez trouvé les malfaiteurs, et de leur donner ce pain et ce vin. Ce n'est pas tout, vous vous prosternerez devant eux, vous leur demanderez humblement pardon de votre dureté, et ensuite, vous les conjurerez de ma part de renoncer à leur vie criminelle, de craindre Dieu et de veiller à ne plus l'offenser. Vous leur direz que s'ils suivent ces conseils, je leur promets de pourvoir à leurs besoins et de leur fournir tout ce qui sera nécessaire à leur subsistance, et quand vous aurez exécuté ces ordres, vous reviendrez au couvent, en vous entretenant dans des sentiments d'humilité. Lorsque le gardien fut parti, saint François se mit en prière, conjurant Dieu de toucher les cœurs des trois malfaiteurs et de les convertir à la pénitence. Cependant frère Ange les rejoignit bientôt, il leur présenta le pain et le vin, et accomplit tout ce qui lui avait été imposé. Mais voici que, tout à coup, saisis de la grâce divine, les assassins, au moment où ils prenaient leur repas des aumônes du saint, s'écrièrent tous ensemble, « Malheur à nous, misérables pécheurs !»« Hélas !» ajouta l'un d'eux, « Quel châtiment terrible nous nous préparons dans l'enfer, nous qui passons notre vie à voler, frapper, blesser le prochain et même à le mettre à mort !» Et toutefois, au milieu de tant de crimes et de tant de cruautés, nous ne ressentons ni les remords, ni la crainte de Dieu. Ce saint frère, pour quelques paroles de reproche qu'il nous a si justement adressées dans notre perversité, vient nous trouver et nous demander humblement le pardon de sa faute, bien plus, il nous apporte le pain et le vin du Saint-Père, et il nous assure de sa libéralité. Oh vraiment, ces hommes sont les saints frères de Dieu, c'est à eux que le paradis sera donné, mais pour nous, nous sommes les enfants de l'éternelle perdition, c'est à nous que sont réservés les tourments de l'enfer. Nous avançons tous les jours vers notre ruine, et nous avons bien lieu de douter, après tant de crimes, si nous pourrions jamais rentrer en grâce avec Dieu. Telles furent les paroles que prononça l'un des malfaiteurs, et les autres répondirent « Oui, tout ce que tu dis est vrai, mais que faire maintenant ? Allons trouver saint François, dit l'un d'eux, et s'il nous fait espérer que nous pouvons encore obtenir de Dieu miséricorde pour nos péchés, faisons tout ce qu'il nous dira, et tâchons, par là, d'arracher nos âmes aux peines de l'enfer. » Cette proposition fut acceptée, et tous trois se rendirent aussitôt vers le saint et lui dirent, « Père, nos crimes se sont tellement multipliés, que nous n'osons plus compter sur la miséricorde de Dieu. Mais si vous croyez que nous puissions encore avoir quelque espoir, dites-nous ce que nous devons faire, voici que nous sommes disposés à embrasser la pénitence avec vous. » Saint François reçut ses pécheurs repentants avec charité et douceur, les encouragea par divers exemples, les assura de la miséricorde de Dieu et leur promit de la leur obtenir. Il leur rappela que cette miséricorde est sans borne, et qu'alors même que nos péchés seraient infinis, elle les surpasserait encore, selon la parole de l'Évangile. Enfin, Il finit par leur rapporter ces mots de saint Paul, le Christ béni est venu en ce monde pour racheter les pécheurs. Ces paroles déterminèrent entièrement les trois malfaiteurs à renoncer aux démons et à changer de vie. Le saint les admit dans son ordre, où ils firent une pénitence très sévère. Deux d'entre eux moururent peu de temps après leur conversion, et ils furent reçus dans le paradis. Pour le troisième, au souvenir de ses péchés, il s'adonnait aux exercices d'une mortification si rigoureuse, que, pendant 15 ans entiers, sans compter le temps de carême qu'il observait comme les autres frères, 3 jours de la semaine, il jeûnait au pain et à l'eau. De plus, il marchait toujours nu-pieds, ne portait qu'une seule tunique, et n'allait jamais prendre son sommeil après matine. Note. Avec la tunique on doit entendre le capuchon. La règle permettait d'en avoir une seconde sans capuchon, mais plusieurs s'en privaient par mortification. Voyez Candide Chalip, livre 1er et 5e. Fin de la note. Vers ce temps-là, saint François vint à mourir, et le frère continuait toujours son genre de vie austère. Quelques années plus tard, un jour, après matine, il sentit un si grand besoin d'aller prendre son repos qu'il lui fut impossible de veiller, selon sa coutume, et de se livrer à l'oraison. Il alla donc se coucher comme les autres. À peine était-il sur son lit, que soudain il se sentit ravi et conduit en esprit sur une très haute montagne. Au pied de cette montagne se trouvait un précipice d'une extrême profondeur, tout hérissé de rochers brisés et entr'ouverts, qui laissait apercevoir des saillies informes. La vue de cet abîme glaçait d'effroi. Un ange y conduisit le frère et l'y poussa rudement, et le malheureux, bondissant et rebondissant de pointe en pointe et de roc en roc, arriva au fond du précipice tout démembré et tout brisé. Et il lui semblait qu'au moment où il se trouvait ainsi étendu à terre dans cet état affreux, son guide lui disait « Lève-toi, car tu dois parcourir une route bien plus longue encore. » Et lui, répondait « Vous êtes donc bien cruel ? Vous me voyez sur le point d'expirer après une chute qui m'a tout déchiré, et vous me dites de me lever. » Alors l'ange s'approcha de lui, et le touchant, il lui remit tous les membres et le guérit parfaitement. Puis, il lui montra une plaine immense, toute couverte d'épines, de ronces et de pierres aiguës et tranchantes, et il lui dit, « Il faut maintenant que tu cours par toute cette plaine, que tu la traverses pieds nus dans toute sa longueur. À l'extrémité, tu verras une fournaise ardente, il faut encore que tu y pénètres. » Le frère fut contraint d'obéir, et quand il eut traversé toute la plaine, accablé de douleur et de tristesse, « Entre maintenant dans la fournaise, lui dit l'ange, entre, il le faut. » Hélas, s'écria le frère, que je suis malheureux de vous avoir pour guide. Vous me voyez, après un si pénible trajet, réduit à l'extrémité, et il faut encore que j'entre dans cette fournaise, est-ce donc là le repos que vous m'accordez ? Puis, levant les yeux, il aperçut autour de la fournaise une multitude de démons, et comme il hésitait à s'avancer, ces esprits infernaux l'y poussèrent avec des fourches dont ils étaient armés. Dès qu'il y fut entré, il y reconnut un homme qui avait été son compagnon, et cet homme était dévoré par les flammes. « Ô malheureux ! Lui dit-il, comment donc es-tu tombé dans cette fournaise ?» Avance un peu plus loin, lui fut-il répondu, « Tu trouveras mon épouse, ton ancienne compagne, elle te dira la cause de notre damnation. » Le frère avança et vit cette femme environnée de flammes, et renfermée dans une mesure à grains tout embrasé, et il lui dit, « Infortunée compagne, Quelle est donc la cause des tourments que je te vois souffrir? La femme répondit, au temps d'une grande famine, prédite par saint François, nous avons trompé sur le blé et les autres grains que nous vendions, et c'est pourquoi je brûle maintenant, étroitement serré dans cette mesure. Alors l'ange qui conduisait le frère le poussa hors de la fournaise, et lui dit, tu vas faire encore un voyage effrayant, prépare-toi. Ô guide cruel, répondit le frère en gémissant, vous n'avez donc pour moi aucune compassion, vous me voyez presque tout brûlé, et vous voulez que j'entreprenne encore un voyage périlleux. L'ange le toucha, le guérit et lui rendit toute sa vigueur. Alors il le conduisit près d'un pont qu'on ne pouvait traverser sans un extrême danger. Il était très mince, étroit, et sans aucun appui pour se retenir. Au-dessous coulait un fleuve effrayant à voir. Il était rempli de serpents, de dragons, de scorpions, et il exhalait une odeur infecte. Et l'ange, s'adressant au frère, lui dit, « Traverse ce pont. Marche, il le faut. » Et s'écria le frère, « Comment donc pourrais-je passer sans tomber dans le fleuve ?»« Suis-moi, » reprit l'ange, « pose le pied où je poserai le mien, et ainsi tu pourras traverser sans danger. » Le frère suivit son guide jusqu'au milieu du pont, mais là, tout à coup, l'ange prend son vol, et se retire sur une montagne très élevée, à une grande distance du pont. Le frère le suivait des yeux. Alors, se trouvant seul et sans guide, voyant sur le courant du fleuve une foule de monstres terribles dont les têtes s'élèvent sur les eaux, avec des gueules entrouvertes et prêtes à le dévorer, il se sent saisi de frayeur. Il ne sait plus que faire, et son épouvante augmente encore quand il se trouve dans l'impossibilité, soit d'avancer, soit de reculer. Dans cet état affreux, ne voyant plus de recours qu'en Dieu, il se prosterne, serre le pont entre ses bras, et, tout baigné de larmes, il se recommande à Dieu de tout son cœur, et le supplie par sa très sainte miséricorde de lui venir en aide. Sa prière achevée, il lui sembla qu'on lui attachait des ailes, et il attendit, plein de joie, qu'elles fussent devenues assez grandes pour s'élancer du pont et voler jusqu'à l'ange, mais, dans son impatience, il se hâta de prendre son vol, et comme ses ailes n'étaient pas encore assez fortes, il retomba sur le pont, et ses plumes se détachèrent. De nouveau il se retient au pont et se recommande à Dieu, et, après sa prière, une fois encore il lui paraît que les ailes lui sont rendues, mais, comme d'abord, il voulut s'envoler avant qu'elles fussent devenues assez grandes, et, pour la seconde fois, il retomba sur le pont, et ses plumes tombèrent. Voyant que sa précipitation était la cause de ses chutes, il se dit en lui-même, « Certainement, si une troisième fois je puis avoir mes ailes, j'attendrai qu'elle soit devenue assez forte pour m'envoler sûrement. Je ne veux plus m'exposer à tomber de nouveau. » En ce moment même, il sentit que ses ailes étaient revenues, et, cette fois, il attendit si longtemps qu'elles fussent devenues bien grandes, qu'il lui parut avoir passé plus de 150 ans depuis la première fois où elles lui avaient été données. Alors il s'élance, prend son vol de tous ses efforts, et arrive à la montagne où se trouvait son guide. Il se présente au palais où il était entré, et il frappe. « Qui es-tu ? » lui demande le portier. « Je suis un frère mineur, » répondit le voyageur. « Attends, » reprit le portier, « je veux aller chercher saint François, nous verrons s'il te connaît. » Et il partit aussitôt. En attendant son retour, le frère contemple les merveilleuses murailles du palais, elles étaient transparentes et d'une clarté si pure, qu'elle laissait apercevoir les cœurs des saints qui s'y trouvaient, et tout ce qui se faisait dans leur enceinte. Ils regardaient encore tout plein d'admiration, quand se présentèrent à lui saint François, frère Bernard, frère Égide et une multitude d'autres saints et saintes qui avaient embrassé leur genre de vie, cette multitude était innombrable. Saint François dit au portier, « Laissez entrer, ce frère est un des miens. » À peine introduit dans le palais, le frère voyageur sentit son âme remplie d'une si douce consolation, qu'il en perdit entièrement le souvenir des tribulations par lesquelles il venait de passer. Le saint le conduisit lui-même, lui fit admirer les merveilles infinies du céleste séjour, puis il lui dit, « Mon fils, il faut que vous retourniez sur la terre, vous y resterez encore 6 jours, pendant lesquels vous vous préparerez avec un grand soin et une grande ferveur, et le 7e, j'irai vous chercher pour vous introduire avec moi dans la demeure des bienheureux. » Le saint était alors revêtu d'un manteau d'une beauté merveilleuse, de brillantes étoiles l'environnaient, et ses stigmates, semblables à 5 astres, resplendissaient d'une si vive clarté qu'ils éclairaient le palais tout entier. Frère Bernard avait aussi sur la tête une couronne d'étoiles, et frère Égide était entouré d'une clarté toute divine. Le frère vit encore une foule d'autres saints religieux qu'il n'avait pas connus sur la terre. Enfin, renvoyé par saint François, il retourna au séjour des mortels, et ce ne fut pas sans de vifs regrets. Les frères s'en épriment quand, après son sommeil, il revint à lui, et ainsi, quoiqu'il lui parut avoir passé de longues années dans sa mystérieuse vision, elle n'avait cependant duré que depuis le temps de matine jusqu'alors. Il raconta à son gardien tout ce qu'il avait éprouvé. Enfin, dans l'espace des 7 jours qui suivirent, la fièvre le prit, et vers la fin du 7e, saint François, fidèle à sa promesse, vint le chercher, suivi d'une multitude de saints, et le conduisit au royaume des bienheureux, à la vie éternelle. Chapitre 27. Comment saint François convertit à Bologne 2 écoliers qui entrèrent dans son ordre. Comment ensuite il délivra l'un d'eux d'une grande tentation. Un jour que saint François arrivait à Bologne, tous les habitants de la ville accoururent pour le voir, et la foule qui se pressait sur ses pas était si grande, que ce ne fut qu'avec peine qu'elle parvint à s'écouler, à sa suite, jusque sur la place. Là, se voyant entouré d'une multitude d'hommes, de femmes et d'écoliers, il monta sur le sommet d'une petite hauteur, et se mit à prêcher ce que le Saint-Esprit lui inspirait. En ce moment, ses paroles avaient une onction si merveilleuse, qu'elles paraissaient plutôt sortir de la bouche d'un ange que de celle d'un homme. C'était autant de flèches aiguës qui transperçaient le cœur de ceux qui les écoutaient. Aussi produisirent-elles la conversion d'une multitude de personnes. De ce nombre se trouvèrent 2 étudiants distingués de la marche d'Ancône, dont l'un s'appelait Pellegrino et l'autre Rinieri. Intérieurement touchés de la grâce en entendant les paroles du saint, ils vinrent le trouver aussitôt après sa prédication, lui protestant qu'il voulait entièrement renoncer au monde et entrer dans son ordre. Connaissant alors, par révélation, que c'était Dieu lui-même qui les lui envoyait et qu'il devait se sanctifier dans son institut, voyant aussi la grande ferveur dont ils étaient animés, saint François les reçut avec joie et leur dit, « Pellegrino, vous suivrez dans l'ordre la voie de l'humilité, et vous, frère Rinieri, vous vous dévouerez au service des religieux. » Les nouveaux frères se montrèrent fidèles à ces recommandations. Frère Pellegrino, quoique littérateur distingué et habile canoniste, refusa constamment le titre de clerc et vécut humblement comme un simple laïc. Dans la suite, il parvint dans les voies de la vertu à un si haut degré de perfection que frère Bernard, le premier compagnon de saint François, disait de lui que c'était un des frères les plus parfaits qui fût au monde. Enfin, orné de toutes les vertus, il passa de cette vie à celle de bienheureux, après avoir opéré un grand nombre de miracles qui se continuèrent encore après sa mort. Pour frère Rinieri, toujours fidèlement et respectueusement appliqué au service de ses frères, il menait, lui aussi, une vie toute de sainteté et d'humilité, jouissant de l'intimité du Saint-Père, qui lui confiait beaucoup de choses secrètes. Devenu plus tard ministre de la province de la Marche d'Ancône, il sut la gouverner longtemps avec discrétion et une grande paix pour lui-même, mais ensuite Dieu permit qu'une tentation violente vint troubler son âme, et dès lors il fut plongé dans l'abattement et la tristesse. Jour et nuit il s'efforçait de surmonter ces tentations à force de jeûne, de discipline, de larmes et de prières, et ses efforts étaient impuissants. Souvent la pensée qu'il était abandonné de Dieu le jetait dans un extrême désespoir. Voulant essayer un dernier moyen de se délivrer d'une situation si pénible, il résolut d'aller trouver saint François. « S'il me reçoit avec bonté et avec sa familiarité accoutumée, se dit-il, je croirai que Dieu prend encore pitié de mon âme, sinon, c'est un signe évident que j'en suis abandonné. » Frère Rinieri se rend donc vers le saint, qui se trouvait alors très malade au palais de l'évêque d'Assise. Au moment où il partait, saint François fut instruit, par révélation, de toutes les circonstances de sa tentation, il connut ses sentiments, sa détermination et la démarche qu'il faisait vers lui. Aussitôt il appelle frère Léon et frère Massé, et leur dit, « Allez au-devant de mon très cher fils, frère Rinieri, embrassez-le de ma part et assurez-le que, de tous les frères de notre ordre, il est un de ceux que je chéris d'une affection plus particulière. » Les frères partirent, rencontrèrent frère Rinieri et l'embrassèrent tendrement, en lui répétant les paroles de saint François. Dès lors, le frère sentit son âme inondée de tant de consolation et de douceur, qu'il en était comme hors de lui-même, il en rendit grâce à Dieu de tout son cœur, et alla trouver son Saint-Père. Alors, malgré son état de grave maladie, saint François, averti de son arrivée, se lève, va à sa rencontre, et, l'embrassant affectueusement, il lui dit, « Mon fils, mon cher frère Rinieri, oui, de tous les frères de l'ordre, vous êtes un de ceux que j'aime d'une affection particulière. » Puis il lui fit le signe de la croix sur le front, l'y baisa et ajouta, « Mon bien-aimé fils, c'est pour augmenter vos mérites que Dieu a permis que vous fussiez éprouvés par cette tentation, mais, si c'est pour vous un fardeau trop pesant, soyez-en délivrés. » Au prodige, à peine le saint eut-il prononcé ces paroles, qu'aussitôt la tentation de frère Rinieri disparut entièrement, et il demeura rempli de la plus douce consolation. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray Reto 1883, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.